Chapitre 50 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1, chapitre 50, de Démocritus et Héraclitus. Le jugement est un outil à tout sujet, et se mêle partout. À cette cause, aux essais que j'en fais ici, j'y emploie toutes sortes d'occasions. Si c'est un sujet que je n'entende point, à cela même je l'essaie, sondant le guet de bien loin, et puis, le trouvant trop profond pour ma taille, je me tiens à la rive. Et cette reconnaissance de ne pouvoir passer outre, c'est un trait de son effet, oui, de ceux dont il se vante le plus. Tantôt, à un sujet vain et de néant, j'essaie voir s'il trouvera de quoi lui donner corps, et de quoi l'appuyer, et l'estançonner. Tantôt, je le promène à un sujet noble et tracassé, auquel il n'a rien à trouver de soi, le chemin en étant si frayé qu'il ne peut marcher que sur la piste d'autrui. Là, il fait son jeu à élire la route qui lui semble la meilleure, et de 1000 sentiers, il dit que celui-ci ou celui-là a été le mieux choisi. Je prends de la fortune le premier argument. Ils me sont également bons, et ne dessaigne jamais de les traiter entiers, car je ne vois le tout de rien, ne font pas ceux qui nous promettent de nous le faire voir. De 100 membres et visages qu'à chaque chose, j'en prends un, tantôt à lécher seulement, tantôt à effleurer, parfois à pincer jusqu'à l'os. J'y donne une pointe, non pas le plus largement, mais le plus profondément que je sais, et aime plus souvent à les saisir par quelque lustre inusité. Je me hasarderais de traiter à fond quelque matière si je me connaissais moins et me trompais en mon impuissance. Semant ici un mot, ici un autre, échantillon dépris de leurs pièces, écarté, sans dessein, sans promesse. Je ne suis pas tenu d'en faire bon, ni de m'y tenir moi-même, sans varier quand il me plaît, et me rendre aux doutes et incertitudes, et à ma maîtresse forme, qui est l'ignorance. Tout mouvement nous découvre. Cette même âme de César, qui se fait voir à ordonner et dresser la bataille de Pharsale, elle se fait aussi voir à dresser les parties oisives et amoureuses. On juge un cheval, non seulement à le voir manier sur une carrière, mais encore à lui voir aller le pas, voir et à le voir en repos à l'étable. Entre les fonctions de l'âme, il en est de basse. Qui ne la voit encore par là, n'achève pas de la connaître, et à l'aventure la remarque-t-on mieux où elle va son pas simple. Les vents des passions la prennent plus en ses hautes assiettes. Joint qu'elle se couche entière sur chaque matière, et s'y exerce entière, et n'en traite jamais plus d'une à la fois, et la traite non selon elle, mais selon soi. Les choses, à part elle, ont peut-être leur poids, mesure et condition, mais au-dedans, en nous, elle les leur taille comme elle l'entend. La mort est effroyable à Cicéro, désirable à Caton, indifférente à Socrate. La santé, la conscience, l'autorité, la science, la richesse, la beauté, et leur contraire, se dépouillent à l'entrée et reçoivent de l'âme nouvelle vêture et de la teinture qu'il lui plaît, brune, claire, verte, obscure, aigre, douce, profonde, superficielle, et qu'il plaît à chacune d'elles. Car elles n'ont pas vérifié en commun leur style, règles et formes, chacune est reine en son état. Par quoi ne prenons plus excuse des externes qualités des choses? C'est à nous en rendre compte. Notre bien et notre mal ne tient qu'à nous. Offrons-y nos offrandes et nos vœux, non pas à la fortune. Elle ne peut rien sur nos mœurs. Au rebours, elles l'entraînent à leur suite et la moulent à leur forme. Pourquoi ne jugerais-je d'Alexandre à table, devisant et buvant d'autant, ou s'il maniait des échecs? Quelle corde de son esprit ne touche et n'emploie ce niais et puéril jeu? Je le hais et fuis de ce qu'il n'est pas assez jeu, et qu'il nous ébat trop sérieusement, ayant honte d'y fournir l'attention qui suffirait à quelque bonne chose. Il ne fut pas plus embesogné à dresser son glorieux passage aux Indes, ni cet autre à dénouer un passage duquel dépend le salut du genre humain. Voyez combien notre âme trouble cet amusement ridicule si tous ses nerfs ne bandent. Combien amplement elle donne loi à chacun en cela de se connaître et juger droitement de soi. Je ne me vois et retâte plus universellement en nulle autre posture. Quelle passion ne nous y exerce ? La colère, le dépit, la haine, l'impatience, et une véhémente ambition de vaincre en chose en laquelle il serait plus excusable de se rendre ambitieux d'être vaincu. Car la précédence rare, et au-dessus du commun, messied à un homme d'honneur en chose frivole. Ce que je dis en cet exemple se peut dire en tout autre. Chaque parcelle, chaque occupation de l'homme l'accuse et le montre également qu'une autre. Démocritus et Héraclitus ont été deux philosophes, desquels le premier, trouvant vaine et ridicule l'humaine condition, ne sortait en public qu'avec un visage moqueur et riant. Héraclitus, ayant pitié et compassion de cette même condition nôtre, en portait le visage continuellement triste et les yeux chargés de larmes. Alter ridebat, quoties alimine moverat unum protuleratque pedem, flebat contrarius alter. J'aime mieux la première humeur, non parce qu'il est plus plaisant de rire que de pleurer, mais parce qu'elle est plus dédaigneuse et qu'elle nous condamne plus que l'autre. Et il me semble que nous ne pouvons jamais être assez méprisés selon notre mérite. La plainte et la commisération sont mêlées à quelque estimation de la chose qu'on plaint. Les choses de quoi on se moque, on les estime sans prix. Je ne pense point qu'il y ait tant de malheur en nous comme il y a de vanité, ni tant de malice comme de sottise. Nous ne sommes pas si pleins de mal comme d'inanité. Nous ne sommes pas si misérables comme nous sommes vils. Ainsi Diogène, qui, baguenaudé à part soi, roulant son tonneau et hochant du nez le grand Alexandre, nous estimant des mouches ou des vessies pleines de vent, mais était bien juge plus aigre et plus poignant, et par conséquent plus juste à mon humeur, que Timon, celui qui fut surnommé le haïsseur des hommes. Car ce qu'on est, on le prend à cœur. Ce tuissi nous souhaitait du mal, était passionné du désir de notre ruine, fuyait notre conversation comme dangereuse, de méchants et de nature dépravée. L'autre nous estimait si peu que nous ne pourrions ni le troubler ni l'altérer par notre contagion. Nous laisser de compagnie, non pour la crainte, mais pour le dédain de notre commerce. Il ne nous estimait capables ni de bien ni de mal faire. De même marque fut la réponse de Statilius, auquel Brutus parla pour le joindre à la conspiration contre César. Il trouva l'entreprise juste, mais il ne trouva pas les hommes dignes pour lesquels on se mit aucunement en peine. Conformément à la discipline de Hégésias, qui disait « Le sage ne devait rien faire que pour soi, d'autant que seul il est digne pour qui on fasse. » Et à celle de Théodorus, que c'est injustice que le sage se hasarde pour le bien de son pays et qu'il mette en péril la sagesse pour des fous. Notre propre condition est autant ridicule que risible. Fin du chapitre 50.